Chapitre 226. Le mérite de jeûner et de multiplier les actes d'adoration les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. 1249. Selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Aucune œuvre n'est plus aimée d'Allah que celle accomplie pendant ces 10 jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. » Ils demandèrent « Ô messager d'Allah, pas même le djihad ?» Il répondit « Pas même le djihad, sauf celui d'un homme qui, partant au combat avec ses biens, n'en revient pas. » Al-Bukhari.